Seja bem-vindo ao programa da tarde. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Arc-en-ciel 96.2, bienvenue à tous, si vous venez nous rejoindre, votre émission Groupe Tropical avec Chantal jusqu'à 20h. De la musique, de la très très bonne musique qui nous vient des Antilles, qui nous vient de la Caraïbe, avec des nouveautés bien sûr, comme chaque jeudi, mais aussi des vieux trucs, est-ce qu'on aime bien ça aussi? On va continuer comme ça sur cette cadence. Je propose d'écouter une petite nouveauté, le titre c'est Zyle et c'est Tradition. Et avant ça, on avait notre chère Orlane avec une nouveauté justement, quelque chose que j'adore, on n'a même pas envie que ça s'arrête tellement c'est bon, et c'était Falmeuve. Très très bonne soirée en ma compagnie, Chantal avec vous jusqu'à 20h, c'est votre émission Groupe Tropical. Qu'il est, il t'est tout pas bon ça. Je m'en rien pour tout le monde qui t'est semblé éternel. Confiné, vers pas mérité. J'attendrai mon tour. La roue tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Arc-en-ciel 96.2, le tout dernier album, pas album, un dernier titre de Jim Rava. Et oui, c'était bien moyen. On va continuer avec autre nouveauté. Le jeune homme s'appelle Bart et le titre c'est Doobabi Pro. Très très bonne soirée en ma compagnie. Chantal avec vous jusqu'à 20h, c'est Groove Tropical. J'aimerais te dire que tout ça ne m'atteint pas. Tu me disais que c'était moi le bébé. Tu as pris toutes tes affaires et tu es parti. Se poser. T'as fait le choix de rentrer dans ma vie, mais non, c'est avec moi que tu décides de t'opposer. Chérie, au fond de toi, je sais que tu m'aimes, mais ton petit cœur a subi trop d'épreuves. Faut le remplir d'amour, pas de haine. Je t'ai donné ma confiance, mais ça paye pas. Oh, j'aimerais te dire que tout ça ne m'atteint pas. Passer en l'air, arrêter. Arc-en-Ciel 96.2, toute l'ambiance du jeudi soir dans notre émission Groupe Tropical. Un grand, grand voyage en Martinique avec le groupe La Fée. Oh là, la fée, une équipe, oh là, je suis en train de me mélanger les paroles. En tout cas, c'est un groupe créé par Ronald Turul. Je crois qu'ils sont 3-4 appris. Artiste là, mais qu'est-ce que j'avais moi ça Aïe aïe aïe, c'est l'émotion. On va dire ça. En tout cas, bienvenue à tous sur le 96.2 de votre émission Groupe Tropical. Allez, la musique continue comme ça avec Mademoiselle Milka et Jackie. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Tu sais, la vie ne nous apporte que ce que l'on sait. La vie nous donne à tous le même ciel. On dit que le karma nous rattrape. On existe. ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Aïe baby. Aïe baby. M'co les têtes, m'co les épaules, avec frère ensemble nous. Ha ha. Caribbean X-Men. T'es une seule compas. Ça passe. La dame me sait. Tcha. Pas soyez à nous pas stressés. Nous pas pour bien nous consigner, nous c'est un week-end prolongé. Prolongé. Vie décompressé. Lève l'homme en wallé. H.M. nous caille balancé. Allez, c'est à gauche. T-shirt, jean et puis tennis. Valide. Wap, talon, aiguille ou leggings. Valide. Nous pas vini faire feeling, nous vini pour amuser. Qui ou jeune, qui ou grand, qui ou nec, qui ou blanc. Nous vini pour pied nous ensemble. Mais même si ça prête là nous différents, nous pas qu'à faire semblant. Là nous qu'à pour pied nous cassons. Pour soyez à nous pas stressé. Nous qu'à pour pied nous cause nous c'est un week-end pour nos jeux. Pour nous j'ai fini décompressé. Lève la main en l'air, achève nous qu'à y balancer. Toujours me calme, côté au bout de valeur. Moi, je suis bien. Compas. C'était le groupe classe avec au chant, bien sûr, Pipo, accompagné en duo avec mademoiselle Rachel. Aïe, aïe, aïe. Tout de suite, un autre duo, le groupe Kai avec Fatima. Oui, c'est ça, Fatima. Bah ouais, c'est écrit petit, donc petit. Bon, bah, je crois qu'il faut changer les lunettes. Il y a un problème. C'est pas grave, 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, on ne changera pas. Hein. C'est votre émission Groupe Tropical et c'est Chantal qui vous accompagne. Tel volot la ki taple de text tou Dite mwen kriye mwen kriye Sakrifye mwen padone Mwen konjige tout verb ki existe E ki te la seli mwen prefere Mwen pade sou mwen c'est my friend, my friend. Tout le monde c'est my friend. Pas pour moi, mais si livre ça, c'est mieux que cool. Vous dit, it was never you. Sorry to say, it only takes two. Ma vie, mon prier, mon prier. Sacrifié, moi pardonné. Moi, quand j'ai gagné tout le qui existait. Écoutez, on l'a, c'est libre, mais tu l'es. Alors, mais pas des you.

Arc-en-ciel 96.2, petit hommage à monsieur Patrick Saint-Éloi avec ce titre Lumière. Votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h, c'est le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Et puis, ben, comme ça, ben, des petites choses qu'on aime bien, comme madame Fanny G, ce titre Amour et Amen. 18h, 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. La Mountain City, c'est chouchou. Regardez le football, c'est chouchou. senti hommage pendant que ou vivant. Nous avons dit ou merci pour générosité. C'est un travail méticuleux. Dès la main ou c'est ça. C'est pour ça qu'on a apprécié. Passer rivière salée, c'est chouchou. La Mountain City, c'est chouchou. Grand gardien football, c'est chouchou. Panique pétante. Panique pétante. Chouchou, dis-nous. Panique pétante. Panique pétante. Chouchou, dis-nous. Panique pétante. Les moins qu'à des scènes en vacances qu'elle ferait moins. Moins là qu'elle moins. J'ai chouchou grand. Et puis citron à six tables, chouchou ka attend moins pour nous passer un bel moment inoubliable. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groupe Tropical. Petite exclue quand même hein, pour les auditeurs de Radio Arc-en-ciel. Le monsieur s'appelle Marcelin. J'adore, moi. C'est chouchou. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, tiens, petite info, si vous ne le savez pas, samedi prochain, samedi 6 décembre, figurez-vous qu'on a chanté Noël. Si, si. Qui veut y aller ? Décembre prochain, donc, au domaine de la Canaudière, un chanté Noël organisé par l'association Tipiment, en partenariat, enfin en partenariat avec le groupe Frappe. Le groupe Frappe en live. Superbe ambiance qui vous attend donc samedi prochain à partir de 20h au domaine de la Canaudière à Orme. Pour un tio guyanais, période Noël à sacré, parce que ni la foi entière, nous café qu'on les aïe. Noël pour nous c'est la vie, Noël pour nous c'est la joie, pendant des yeux nous ouverts, en nous chanter Noël, Noël, qui s'en portait dans nous. Dans des yeux nous pouvons en nous chanter Noël, Noël, qui s'apporte dans nous. fortifier nous. Tu venis pour bénir nous. Tu venis pour sauver nous. Tu venis purifier nous. Sans porter par nous. Et soulager nous. Nous chantons Noël avec l'association Tipeee-ment le 6 décembre prochain. L'entrée est gratuite, hein. Allez-y, allez vous éclater avec le groupe. En tout cas, c'est à partir de 20h au domaine de la Canaudière à Orlov. Oh, oh. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. J'ai pris le temps de t'écrire car je ne peux plus te voir en face. J'attendrai des mois et des années que ma douleur s'efface. Avec toi, j'ai espéré, j'ai cédé à toutes tes phases. Maintenant, je dois subir le temps qui passe. Je t'avais tout donné, mon cœur et ma vie. Mon corps n'appartenait qu'à toi. Tu m'avais juré. Fa bonan pa fè polemik, selman kwen ap paix comme ici. Les fanatiques, côté nous passé. Veilleuse, content, ouais. Content, ouais. Le banou flair. Le banou flair. Levez dans l'air, côté nous passé. Yo, dis-nous bon. Dis-nous bon. Nous, parce que c'est ça. Si c'est ça. Le pas facile. Voyons, j'ai ce qui fait paraître. Et puis marcher. Marcher. Parfois, le bon temps. C'est parce qu'un différent. Faut pas marcher dans un lieu que y a apprécié. Côté nous passer. Le banon flèche. Le pain dans l'air. Côté flèche. Jouer aussi nous bon. On a ici nous délivrer. On devrait se nous tape matin. Tellement bien déposé. Tout pays on t'a parlé. Fanatique qui t'a crié, mais en l'air, y a mandé. Abonnez, qui le voit, retournez. Ça veut dire, aïe, à côté, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas Arc-en-Ciel 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. C'était le groupe 509 avec ce... Pas facile de rester sur place quand on voit. Il est parti rejoindre les étoiles le 22 novembre dernier, Dadou Pasquet, à qui Groupe Tropical a choisi de rendre un petit hommage ce soir. Je vous propose d'écouter tout de suite ce titre au Pila. Dadou Pasquet. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Je t'ai mis, je t'ai mis, je t'ai mis, je t'ai mis, je te sou tout kote pou yo vina ke gino ay mwen te tellement papa mwen pa tan ka pale ansan ala tout son konsa aswe ane ololoy ololoy konsa wa konsa aswe ay ay ay konsa wa son konsa So don't want Montana. Is that it to admit? My delicious Ari. Demo Babaku, no manger bambi, oh no. Même les premiers mains, son jour pas de s'appuyer, hot shot. À la content, à ce y'a nos pays. Oh non, non, oh non, non. À la content, à ce y'a ma flexe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. À la content, 96.2 dans votre émission Groove Tropical, c'est cadeau, hein? C'est nulle part ailleurs. En tout cas, c'était Sweet Nikki en live avec ce titre reprise de Tabou Combo, Haïti. Compa, on continue comme ça, mais cette fois-ci avec une nouveauté, avec Félicia Roche carrément, et le titre c'est LOL. Tropical, 18h-20h. C'est Chantal qui vous accompagne. Finalement, mes démons premiers. Finalement, bon, moi, lassé. Mon bon responsabilité. À chaque fois que ça marche. Sans validation. feuilles, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. C'est moi qui allais, on dit fait nous unir. C'est pour mettre soleil en vie en moi, cacha rien qui pour moi au loin. Est-ce que c'est Shiva qui fait nous unir? Car pour moi prétend. Parce que sans vous la ville a fini. Si au carton nous pète des pommes, un moule à pique dans qu'il l'infini. Au loin, au loin. Dis-moi ce qu'a ou envie pour moi. En cas ouais, on rêve en moi, en un moment. En dégage, je vais arriver ici. Si mes baillets nous guérir ici. Besoin l'amour pour être en vie. C'est rien qui vous capte en moins envie. On va pas rien. Ok, d'accord. Baby, c'est qui en met. Only, only. On s'est fait nous unir. C'est pour mettre soleil en vie en moins. Pas rien qui pour moi. Sur Arc-en-Ciel et Groupe Tropical sur le 96.2. important, nous m'en dit l'eau, yo voyez vaccin, nous pas m'en dit ailleurs, poisonné au clan des connes, nous fait mon anpaton, calibre qui descend, nous en esclavage en métropole, qu'a fermé l'école, promotionné alcool, qu'a diffusé chata, pas qu'à jouer boca, à télé, à yo, et qui comme qu'à souper pour bonda. Yo voulez tuer guilty à nous, yo voulez tuer guilty à nous, éliminer tout peuple à nous, yo voulez remplacer peuple à nous, tout ça en complicité, certains élis à nous, nous préférons mon tout bout, qui vive à genoux, Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, tout bout, nous c'est petit à Negmaoum, yo dit nous c'est mauvais la roue. Pour liberté à nous, pour en sept ans, nous, pour en sept ans, nous, c'est petite Kalinago. FM en couleur. En couleur. Moi, songe l'aime, t'es rencontré. Tout bagaille est bien calculé. Nous t'es tellement connecté. Ça t'est poussé, nous croyons à destinée. Mais plus temps passé pour nous deux. Gade l'autre nos chers. Sa vie fait ma paix. Si le monde nous c'est pour l'éternité. Natalie, oh, oh, oh. Natalie, allez, prezi fè ti kè ou plezi. Ti dine ou jò del mwen, geste romodi, se nan yo mwen kwe. Chéri ou konè trè bien, mwen se yon nèk de la vieille école. Si jadi ou romè yo de la, eske li ta bakan, mou repote liè. L'album a une dizaine d'années, mais ça fait toujours autant de plaisir de le retrouver avec Gracia Delva à Sauver l'amour. En duo avec Orlana. Allez, tiens, c'est qu'en souvenir, on va continuer comme ça avec. Ça va vous rappeler plein de souvenirs également, tiens, avant de terminer cette émission. Accolé, Thierry Matic. L'ambiance. On joue samedi. Pour chaque goûte mangue pertinie. En bonjour, mon chéri fou. Madame voisin, l'issue est fertile, il est béni. En belle rochade, t'es caché, oui. Oh, oh, hey. Chaque la habille est un petit coup de vernis. L'issue est senti, il garde fait plaisir. Tchau. Alors, je sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, en parlant de chanter, je vous rappelle quand même que nous avons une grande soirée ce samedi soir avec l'association Tipiment qui vous propose un chanté Noël au domaine de la Canaudière à partir de 20h. L'entrée est gratuite, n'hésitez pas en présence du groupe Rap en live. En attendant, ben, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, 18h-20h, même ambiance, même soleil. Je vous laisse en compagnie de Rochelle Guillaume et puis Fanny J avec ce superbe titre, extrait du tout dernier album de Rochelle qui est sorti il y a une quinzaine de jours. C'est Sirène. Des bisous à tous, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, chantez Noël, hein, samedi soir, samedi 6 décembre, au domaine de la Canaudière. Avec le groupe Tipiment. La FM en couleur.